Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission de Goodbye Kevin 254. Ouais. Sur Radio Campus Lille, comme chaque semaine et chaque vendredi. Bonjour Léna, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va génial. Ouais, ça va super. Parfait. Dis pas ça va génial, ça se dit pas. Hein. Non, bon, si tu peux le dire, mais c'est, généralement c'est rare quoi. Ah ouais, ça va génial, ouais. Ah ouais, ça va génial. Ouais, ouais. Gonzague. À fond la caisse. Désolé à tous les Gonzagues, c'est pas sympa. Ah ouais, ouais, ouais, on est désolé. Non, on n'est pas désolé. Non, mais on peut tous trouver un prénom nul. Ce prénom, tu le trouves nul, c'est pas grave. Hein. Oui, il y a des gens voilà, qui n'aiment pas Léna, ça se trouve. Ouais, ça se trouve. Ils disent, ouais, putain, Léna, on dirait un nom. De merde. Non, pardon. Waouh. En tout cas, autodérision, on peut s'insulter nos prénoms. Voilà. Qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui, Pierrot? De mon côté, tu n'as pas le temps de répondre. De mon côté, je vais commencer par un morceau que j'ai pas eu le temps de passer la semaine dernière. Ça vient d'Angleterre. Il y a un petit côté trip-hop, non pas pour me déplaire. Ensuite, on ira vers un petit jazz électro-indus made in France. Après ça, on ira du côté du Minnesota pour une belle petite pulp folk, un peu jazzy là encore. On va être sur des trucs très doux, je vous le dis tout de suite, sachez-le. Après ça, direction l'Angleterre de nouveau, dans un style plus cinématographique. On y restera, mais cette fois-ci au Pays de Galles, pour de l'art rock un peu groovy, boogie woogie. Et puis on terminera par une petite archive mêlant musique traditionnelle indienne et rock un peu british. Alors c'est pas peut-être pas flagrant sur le morceau que je vais vous faire écouter, mais dans le reste de l'album on le sent. À toi Pierrot. Bon, je vais être un peu plus rapide. On va écouter les ex Nouveaux Strokes, un artiste de Francfort, un producteur londonien. C'est marrant, j'ai écrit une producteur londonien, comme si je faisais la faute comme les Anglais ils font. Oui. Une petite c'est très drôle. un petit bière s'il vous plaît. Une producteur londonien. Un auteur-compositeur autrichien et on finira par un trio féminin de Tokyo. Super, super. On commence par ouvrir cette émission avec le trio Tara Clerkin Trio. Bah, il porte bien son nom. Trio originaire de Bristol que tu connais, Pierrot. On en a parlé la semaine dernière, ouais, entre nous en fait. Off, ce que vous pouvez pas entendre. Donc, parce que les micros ils sont pas on. Voilà, vous êtes pas les VIP. Bref, ils viennent de Bristol, leur premier LP était sorti en 2020, alors je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur eux, à part qu'il y a un petit côté trip-hop revival qui me séduit à chaque fois, voilà, quoi d'autre, ça faisait un petit moment, hein, 2 ans qu'on n'en avait pas entendu parler, et donc du coup ils sortiront un nouvel EP en novembre intitulé On the Turning Ground sur le label World of Echo, et le morceau que je vous propose d'écouter c'est The Turning Ground tout simplement. Thank you. c'était Tara Clare King Trio avec le morceau The Turning Round. Et B, ouais, c'est cool. C'est cool, je sais pas si vous avez remarqué dans vos postes de radio ou vos postes DAB+, il y avait des petites basses. Des pou pou pou. Si, si. Enfin, je pense pas qu'on les entende, parce que c'est quand même très doux. Mais ils ont sorti que des singles pour le moment. Oui, c'est ce que je disais là. Non, ouais. Non, ils ont un album, ah ouais, un LP. Ok, ouais, c'est vrai, tu l'as dit. En 2020. Oh là là, il suit Paul. Si, si, parce que dans ma tête, j'ai fait ah, elle a dit LP et pas EP. Ouais. Oh là là. Et il y en a un nouveau OP, un nouvel EP qui va sortir en novembre. Ah, c'est très cool, très posé. On va dans un style complètement différent. On va écouter les G's. G's. Leur premier album était sorti en 2021 qui s'appelait Projector, et à l'époque on les avait beaucoup rapprochés des Strokes, peut-être parce qu'ils viennent de New York et la voix du chanteur se rapproche un petit peu, même si c'est complètement différent. En tout cas, ils n'ont pas la même hype qu'a eu les Strokes. Et là ils arrivent avec un second album qui s'appelle 3D Country, sorti chez Partisan. Et la particularité, ou en tout cas il a été produit par James Ford, qui a produit notamment Arctic Monkeys et Gorillaz, donc peut-être que ça va passer un level au-dessus. Et en tout cas, ils, sur leur musique là, ils l'ont enrichi d'éléments gospel ou americana. On retrouve un peu cette patte americana country, mais également rock'n'roll, et toujours dans ce côté punk psychédélique. J'ai hâte d'entendre ce que ça peut donner. Donc on va écouter le morceau 3D Country, qui est le même nom que l'album 3D Country de G's. Since I was born, I've heard the voice of the father. Goes in the one ear, on out the other. Hit me, baby, show me the floor. I was Cassidy's gun, and she was his daughter. That was the country when we were young. And I was water, I was rum. Oh! Cataract. Non, je rigole. Ah, le côté gospel, on retrouve, ouais. Hein. Donc c'était Jeez avec le morceau 3D Country. Super, super. Alors je t'avais dit Wendy, j'avais pas perdu mes billes. Ah bah non. Hein. Alors ça c'était mon imitation de la flûte dans Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Il s'appelle la flûte le personnage? Je crois, non. C'est pas Mouche, non. Mais non. Ah ok. C'est ce qui est recueilli par Wendy. Ah il s'appelle la flûte. Je t'avais dit Wendy, je les avais pas perdu mes billes. Salut, c'est saxophone. Ah bonjour trompette. C'est son surnom, voyons, ouais, c'est un enfant perdu. Bon, bref. Aussi. Désolée. Eh, on va à orchestre. Ouais. Je vous avais dit que j'allais encore vous parler de Black Milk Music, ce petit label qu'on aime beaucoup. Eh bien, c'est ce que je vais faire avec Matsu Take, qui est un duo composé de Jérémy Vieille, aka Zerolex, qui est également sur BMM, sur le même label, et de son saxophoniste dans ce groupe-là, qui s'appelle Roté, ça me paraît bizarre, Akara Chromé. Bon, bref, ça doit être ça, je ne sais pas, ça me paraît bizarre. On parle qu'en onomatopée, Akamatomé. Oui. Akachromé. Bref, le duo, il est né afin d'illustrer un autre projet autour de l'histoire de la métallurgie en Haute-Saône, et plus particulièrement de ses forges. Et c'est un peu une fusion électro-jazz-indus. Il y a un petit côté cinématographique aussi, du coup, qui vient accompagner le propos de... Alors, bon bref, c'est pas grave. C'est très très chouette, c'est juste ça qu'il faut retenir. L'album s'appelle 1538, il est sorti en juin, donc chez BMM Records. Et le morceau qu'on écoute, c'est Rupture de Matsu Take. c'était Matsu Take avec le morceau Rupture, qui était aussi le single à travers lequel je les avais découverts. J'avais adoré. Après, j'avais entendu que l'album sorte avant de vous les présenter. Puis en fait, c'est resté quand même, après plusieurs écoutes, mon morceau préféré. Top, top. C'est de la bombe de balle. C'est clair. On enchaîne avec Dargs, qui est un producteur et ingénieur du son londonien. Qui était connu parce qu'il avait notamment été un des ingénieurs du son pour l'enregistrement de l'album de Moïse Boyd, Dark Matter, qui a été nominé au Mercury. Okay. Album enregistré à Bay Road. Voilà. Ah oui. Et donc le pépère, et ben il sort son projet solo. Donc pour le moment, il n'y a qu'une poignée de singles. Vous allez vous en douter. Moses Boyd, c'est du jazz, c'est la scène jazz anglaise émergente, même plus émergente, maintenant on peut dire confirmée. Hein, c'est beau. C'est beau ce que tu te dis. Et donc il se lance, il fait son projet solo. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les rythmes, ils sont faits par Moses Boyd et plein d'autres, mais c'est ce que j'ai retenu. Le morceau, il s'appelle Doug et c'est chez Paper Cup Records. Nothing. All this paper coming, tell them keep it coming. Don't need your advice if you ain't eating nothing. I done seen it coming. I've been on the grind, I don't sleep for nothing. All this paper coming, tell them keep it coming. Don't need your advice if you ain't eating nothing. I done seen it coming. Being as I know how far y'all can get, it's been hard for me to crack a smile. We ain't on trial, don't need to lie to me, no need to point out the ones in denial. Let all my naysayers roast. We start approaching, it's gonna get wild. The money empires, play with my paper, I come out the crater, I turn to a monster. We keep the peace, so just keep that shit cordial, or you'll see the dollar. Y'all wasn't playing them games like that shit is proper. Yo, bitch wanna come over now and I ain't finna stop it. It's best that you watch it. She see you acting, you deserve an Oscar, she know I'm a monster. She fell in love with the real cause she went to my concert. She know that you ain't gonna prosper, you ain't imposter. Hop out the whip even if it's a four and feel like it's a monster. I just been hungry for more and I seen that shit coming some days. I was only a toddler, you know that we got it. Avec le morceau Doug, un peu morceau rappé. Sur les autres singles, on est plus sur que de l'instrumental. C'est très très chouette, j'ai beaucoup aimé Pierrot, je tiens à te le dire. Très bien. Et du coup, on va enchaîner avec G. E. Sound. Qui est-il ? C'est un auteur, compositeur et musicien américain qui vit à Minneapolis, dans le Minnesota. Alors lui, il a été fortement influencé par Paul Simon, Leonard Cohen ou plus récemment Elliott Smith et Sufjan Stevens, par exemple. On est entre folk et pop, voire même jazz. C'est un peu de belles ballades assez douces et poétiques. Son dernier album, Alice, Gloria and John, est sorti en juin sur le label Vietnam. Et là, on est un petit peu moins folk, on est plus sur du jazzy. Voilà. Ce qui n'est pas pour me déplaire et ce qui est très très cool. Et donc, du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Stop Caring. Mmh. stop caring at all. Maybe if I just stop dreaming, then I'll finally lose that awful feeling. I got one life to live, but I'm not doing it right. For all my trying, baby's crying. She says, I just want you here when you're here. Kevin sur Radio Campus Lille 106,6, disponible aussi en DAB+. Et vous venez d'écouter le morceau Stop Caring de Ji Isund. Bon, c'est fini la partie jazz, on part sur la partie énervée. Super, je regarde ce que j'ai après. Non, j'ai plus trop de jazz dans ça. Allez, c'est parti. Ça va être très énervé. Est-ce que tu connais Tobin Peel, Léna? Pas du tout. Eh ben, c'est un habitant de Francfort. Voilà, fin de l'histoire. Et non, c'est lui qu'on retrouve derrière le projet Daskin. C'est en allemand, tu reconnais. C'est-à-dire mention levée ou mention quelque chose. Mention ? Voilà, Daskin. Daskin, ça veut dire okay. Ça. Tu sais mention que t'as pas levée. Fait. Mention levée. Je sais pas. Une voilà. Mention. Bon appétit. Ok. Et donc, au programme, derrière ce projet musical, il alterne synthétique pop et krautrock. Parfois, il mélange le tout. Parfois, c'est une bonne soupe. Donc, il a sorti 3 EP pour le moment. Et nous, on va écouter le premier qui était sorti en septembre 2020. Ça va être simple, le groupe c'est Daskin, on va écouter 2 morceaux, le premier morceau c'est Daskin, issu de l'EP qui s'appelle Daskin. Parfait. Daskin. Et le deuxième morceau ça sera Die Fitch. Et tout ça c'est sorti sur le label Ishi. Hein, super, merci Daskin et nerve-toi bien. Énerve-nous. Drop. On est à la plage. C'est la mer. Ça va bien? Oui. Alors, apprends l'allemand avec Goodbye Kevin. Et Das Kind. Voilà, super. Il est énervé, hein. Mais à la voix, vous voyez à la fin, il est un peu calme. Exactement. Il s'apaise. S'apaise. C'est important de s'apaiser. Sur quoi on part ensuite, Léna ? On part sur Monet, Monette, Monet, je ne sais pas, M-O-N-E-T, pas Claude, juste le groupe. Ni l'argent, hein, Pink Floyd. Donc du coup, c'est un quartet sur lequel je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations, sache-le. Il faut payer, il faut mettre de la monnaie. À part qu'ils viennent de Swansea, et pas Annecy, c'est Swansea. Dans Pays de Galles. Comment tu sais ? Ah ben, football, hein ! Ah ! Excellent ! Je croyais que tu avais lu au-dessus de mes notes, mais non. Ah non, okay. Non, je suis pas là. Et eux, ils font un genre d'art rock à la sauce post-punk, teinté de groove un peu chelou. De toute façon, vous allez voir, il y a même un petit côté matrock sur le morceau qu'on va écouter. Du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Super Pop et il est extrait de leur EP You Need to Tell Worst Lies Men et qui était sorti en mars sur le label One for Luck Records. Tout de suite, on va écouter Monet avec le morceau Super Pop. Money, money, money, money, avec le morceau Super Pop. Des artistes. Des artistes, il y en a plein dans Goodbye Kevin et sur Radio Campus Lille. Notamment le prochain, Dave Okumu, qui est un chanteur, auteur, compositeur, producteur et guitariste, qui était surtout connu pour avoir dirigé le groupe The Invisible. Et donc, il sort son projet solo et c'est un album qui évoque l'expérience noire, qui explore l'ascendance et l'héritage de l'esclavage, mais également qui souhaite montrer ce que c'est d'exister dans une société injuste. Il est paru mi-avril dernier et il raconte également l'histoire touchante de sa famille et de son vécu. Du coup, c'est vraiment un album exactement. Cathartique. Oui, puis plein de réflexion sur soi-même. Je te remercie. Exactement. D'introspection. Donc l'album, il s'appelle I Came From Love. Il est sorti chez Transgressive Records. Et nous, on va écouter Blood A Go Run de Dev Okumu. Blood A Go Run. If no justice, no come. Blood I go run. If no justice, no come. Fight, fight, fight. Fight for survival. Fight, fight, fight. Dave Okumu et le morceau Blood Has Go Run. Très très cool aussi ça. Franchement, je pense que je vais te piquer des trucs dans ta playlist, je vais les mettre dans mes playlists et comme ça je vais écouter ça et je dirai ah oh, ça c'est très chouette. Ah, ça c'est ce que je le fais chaque semaine, Léna. Dans les miennes ? Bah oui. Ah ouais ? Ah oui, je pioche, j'écoute. Je suis flattée. Bref, allez, on va continuer avec Ralph Band. Ralph Band, c'est le projet d'Oli Ralph, qui est un songwriter anglais basé à Oxford, mais il est également artiste visuel et réalisateur. Alors pourquoi je te dis ça ? C'est parce que du coup, ça se ressent dans la musique qu'il compose. Il y a un côté très cinématographique là aussi. Alors je vais pas vous faire la liste de toutes ses sorties musicales et vidéographiques parce qu'il y en a beaucoup en fait depuis ses débuts en 2005. En revanche, je vais vous laisser apprécier le morceau Ancients, issu de son album Achilles Was a Hound Dog, qui est sorti en juin chez Talitre, qui est un très très bon label qu'on aime beaucoup ici. Donc le morceau Ancients avec Ralph Band. Last night I saw you in a dream. I'm so much older now, but you were standing there and you were still the same. I long to pull you into my life, like a fish that tastes the air and bends its silver body in the light. Like a spider came in from the cold, with nobody left to hold. All the relics of our days were discarded far away. We crossed the bridge that ancients built, saw the Tiber for the first time, walked its deserted river banks at night. From our rusted balcony, we felt the motion of the sea. In our Japanese room, we could see the blossom bloom. Ralph Band avec le morceau Ancient. Et pour terminer cette émission, on va écouter un trio féminin basé à Tokyo qui fait de la musique tribale psychédélique où bah, y a beaucoup de sonorités diverses et il y a leurs voix qui sont assez puissantes. Faut garder l'esprit ouvert en les écoutant parce que ça suscite beaucoup de réactions. C'est assez spécial, mais c'est très très chouette. On peut entendre des échos hybrides et psychédéliques de groupes comme Os Mutants ou The Raincoat, juste pour décrire l'atmosphère. L'album il s'appelle Gate of Kluna. J'ai précisé leur nom ? Non, c'est Kunatik. Et on va écouter le morceau Titian, et tout ça c'est sorti chez Glitterbeat Records. Et nous on vous laisse en bonne compagnie avec le Festin Nu. Juste après ça. Et on vous dit à la semaine prochaine. Tout à fait.